Chapitre 5. Qu'allait-elle faire de 30 francs quand c'était sur 100 qu'ils avaient établi leur calcul? Elle agita cette question en suivant tristement les fortifications, depuis la Maison Blanche jusqu'à Charonne, mais sans lui trouver de réponses acceptables. Aussi, quand elle remit entre les mains de sa mère l'argent de la rouquerie, ne savait-elle pas du tout à quoi et comment il allait être employé. Ce fut sa mère qui en décida. « Il faut partir, » dit-elle, « partir tout de suite pour Maraucourt. »« Es-tu assez bien ?»« Il faut que je le sois. Nous n'avons que trop attendu, en espérant un rétablissement qui ne viendra pas ici. Et en attendant, nos ressources se sont épuisées, comme s'épuiseraient celles que la vente de notre pauvre Palicard nous procure. J'aurais voulu aussi ne pas nous présenter dans cet état de misère, mais peut-être que plus cette misère sera lamentable, plus elle fera pitié. Il faut partir. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est trop tard. Nous arriverions en pleine nuit, sans savoir où aller. Mais demain matin ? Ce soir, tâche d'apprendre les heures du train et le prix des places. Le chemin de fer est celui du nord. La gare d'arrivée, Piquigny. Périne, embarrassée, consulta Grain de sel qui lui dit qu'en cherchant dans les tas de papier, elle trouverait certainement un indicateur des chemins de fer, ce qui serait plus commode et moins fatigant que d'aller à la gare du Nord qui est bien loin de Charonne. Cet indicateur lui apprit qu'il y avait deux trains le matin, l'un à 6 heures, l'autre à 10 heures, et que la place pour Piquigny, en troisième classe, coûtait 9,25 francs. « Nous partirons à 10 heures, dit la mère, et nous prendrons une voiture car... Je ne pourrais certainement pas aller à pied à la gare, puisqu'elle est éloignée. J'aurais bien des forces jusqu'au fiacre. » Cependant, elle n'en eut pas jusque-là, et quand, à 9 heures, elle voulut, en s'appuyant sur l'épaule de sa fille, gagner la voiture que Périne avait été chercher, elle ne put pas y arriver, bien que la distance ne fût pas longue de leur chambre à la rue. Le cœur lui manqua, et si Périne ne l'avait pas soutenue, elle serait tombée. « Je vais me remettre, » dit-elle faiblement. « Ne t'inquiète pas, ça va aller. » Mais cela n'alla pas, et il fallut que la marquise, qui les regardait partir, apportât une chaise. C'était un effort désespéré qu'il avait soutenu. Assise, elle eut une syncope. La respiration s'arrêta, la voix lui manqua. « Il faudrait l'allonger, » dit la marquise, « la frictionner. Ce ne sera rien, ma fille, n'aie pas peur. Va chercher la carpe. À nous deux, nous la porterons dans votre chambre. Vous ne pouvez pas partir tout de suite. » C'était une femme d'expérience que la marquise. Presque aussitôt que la malade eut été allongée, le cœur reprit ses mouvements et la respiration se rétablit. Mais au bout d'un certain temps, comme elle voulut s'asseoir, une nouvelle défaillance se produisit. « Vous voyez bien qu'il faut rester couché, » dit la marquise sur le ton du commandement. « Vous partirez demain, et tout de suite vous prendrez une tasse de bouillon que je vais demander à la carpe, car c'est son vice à ce muet-là que le bouillon, comme le vin est celui de monsieur notre propriétaire. » Hiver comme été, il s'élève à 5 heures pour mettre son pot au feu. Et fameux qu'il le fait. Il n'y a pas beaucoup de bourgeois qui en mangent aussi bon. » Sans attendre une réponse, elle entra chez leur voisin qui s'était remis au travail. « Voulez-vous me donner une tasse de bouillon pour notre malade ? » demanda-t-elle. Ce fut par un sourire qu'il répondit, et tout de suite il ôta le couvercle de son pot en terre qui bouillotait dans la cheminée devant un petit feu de bois. Alors, comme le fumet du bouillon se répandait dans la pièce, il regarda la marquise, les yeux écarquillés, les narines dilatées, avec une expression de béatitude en même temps que de fierté. « Oui, ça sent bon, » dit-elle, « et si ça pouvait aider la pauvre femme, ça la sauverait. » Mais elle baissa la voix. « Vous savez, elle est bien mal, ça ne peut pas durer longtemps. » La carpe leva les bras au ciel. « C'est bien triste pour cette petite. » La carpe inclina la tête et étendit les bras par un geste qui disait « Qui pouvons-nous ?» Et de fait, ce qu'ils pouvaient, ils le faisaient l'un et l'autre. Mais le malheur est chose si habituelle aux malheureux qu'ils ne s'en étonnent pas, pas plus qu'ils ne s'en révoltent. Qui d'eux n'a pas à souffrir en ce monde ? Toi aujourd'hui, moi demain. Quand le bol fut rempli, la marquise l'emporta en trottinant pour ne pas perdre une goutte de bouillon. « Prenez ça, ma chère dame, » dit-elle en s'agenouillant auprès du matelas. « Et surtout ne bougez pas, en trouverez seulement les lèvres. » Délicatement, une cuillerée de bouillon lui fut versée dans la bouche. Mais au lieu de passer, elle provoqua des nausées et une nouvelle syncope qui se prolongea plus que les deux premières. Décidément, le bouillon n'était pas ce qui convenait. La marquise le reconnut, et pour qu'il ne fût pas perdu, elle obligea Perrine à le boire. « Vous aurez besoin de force, ma petite, il faut vous soutenir !» N'ayant pas, avec son bouillon, qui pour elle était le remède à tous les maux, obtenu le résultat qu'elle attendait, la marquise se trouva à bout d'expédients et n'imagina rien de mieux que d'aller chercher le médecin. Peut-être ferait-il quelque chose. Mais bien qu'il eût formulé une ordonnance, il déclara franchement à la marquise, en partant, qu'il ne pouvait rien pour la malade. « C'est une femme épuisée par le mal, la misère, les fatigues et le chagrin. Elle partait, qu'elle serait morte en wagon. Ce n'est plus qu'une affaire d'heures qu'une syncope réglera, probablement. » C'en fut une de jours, car la vie, si prompte à s'éteindre dans la vieillesse, est plus résistante dans la jeunesse. Sans aller mieux, la malade n'allait pas plus mal, et bien qu'elle ne pût rien avaler, ni bouillon ni remède, elle durait, étendue sur son matelas, sans mouvement, presque sans respiration, engourdie dans la somnolence. Aussi Perrine se reprenait-elle à espérer. L'idée de la mort qui obsède les gens âgés, elle la leur montre partout, tout près alors même qu'elle reste loin encore, est si répulsive pour les jeunes qu'ils se refusent à la voir, même quand elle est là menaçante. Pourquoi sa mère ne guérirait-elle point? Pourquoi mourrait-elle? C'est à 50 ans, à 60 ans qu'on meurt, et elle n'en avait pas 30. Qu'avait-elle fait pour être condamnée à une mort précoce, elle, la plus douce des femmes, la plus tendre des mères, qui n'avait jamais été que bonne pour les siens et pour tous? Cela n'était pas possible. Au contraire, la guérison l'était, et elle trouvait les meilleures raisons pour se le prouver, même dans cette somnolence qu'elle se disait n'être qu'un repos tout naturel, après tant de fatigues et de privations. Quand, malgré tout, le doute l'étreignait trop cruellement, elle demandait conseil à la marquise, et celle-ci la confirmait dans son espérance. « Puisqu'elle n'est pas morte dans sa première syncope, c'est qu'elle ne doit pas mourir, n'est-ce pas ? C'est ce que pensent aussi Grain de sel et la carpe. » Maintenant, sa plus grande inquiétude, puisque du côté de sa mère on la rassurait, comme elle se rassurait elle-même, c'était de se demander combien dureraient les 30 francs de la rouquerie, car, si minimes que fussent leurs dépenses, ils filaient cependant terriblement vite, tantôt pour une chose, tantôt pour une autre, surtout pour l'imprévu. Quand le dernier sou serait dépensé, où irait-elle? Où trouverait-elle une ressource, si faible qu'elle fût, puisqu'il ne leur restait plus rien, rien, rien que les guenilles de leurs vêtements? Comment irait-elle à Maraucourt? Quand elle suivait ses pensées près de sa mère, il y avait des moments où, dans son angoisse, ses nerfs se tendaient avec une intensité si poignante qu'elle se demandait, baignée de sueur, si elle aussi n'allait pas succomber dans une syncope. Un soir, qu'elle se trouvait dans cet état d'appréhension et d'anéantissement, elle sentit que la main de sa mère, qu'elle tenait dans les siennes, la serrait. « Tu veux quelque chose ? » demanda-t-elle vivement, ramenée par cette pression de la réalité. « Te parler, car l'heure est venue des dernières et suprêmes paroles. Ô maman, ne m'interromps pas, ma fille chérie, et tâche de contenir ton émotion, comme je tâcherai de ne pas céder au désespoir. J'aurais voulu ne pas t'effrayer. C'est pour cela que, jusqu'à présent, je me suis tue, pour ménager ta douleur, mais ce que j'ai à dire doit être dit, si cruel que cela soit pour nous deux. Je serais une mauvaise mère, faible et lâche. Au moins je serais imprudente de reculer encore. » Elle fit une pause, autant pour respirer que pour affermir ses idées vacillantes. « Il faut nous séparer. » Perrine eut un sanglot que, malgré ses efforts, elle ne put contenir. « Oui, oui, c'est affreux, cher enfant. Et pourtant, j'en suis à me demander si, après tout, il ne vaut pas mieux pour toi que tu sois orpheline que d'être présentée par une mère qu'on repousserait. Enfin, Dieu le veut, tu vas rester seule, dans quelques heures, demain, peut-être. » L'émotion lui coupa la parole, et elle ne put la reprendre qu'après un certain temps. « Quand je ne serai plus, tu auras des formalités à accomplir. Pour cela, tu prendras dans ma poche un papier enveloppé dans une double soie, et tu le donneras à ceux qui te le demanderont. C'est mon acte de mariage, et l'on y trouvera mes noms et ceux de ton père. Tu exigeras qu'on te le rende, car il doit être utile plus tard pour établir ta naissance. Tu le garderas donc avec grand soin. Cependant, comme tu peux le perdre, tu la prendras par cœur de façon à ne l'oublier jamais. Le jour où tu aurais besoin de le montrer, tu en demanderais un autre. Tu m'entends bien? Tu retiens tout ce que je te dis? Oui, maman, oui. Tu seras bien malheureuse, bien anéantie, mais il ne faut pas t'abandonner. Et quand tu n'auras plus rien à faire à Paris, et que tu seras seule, toute seule, alors tu dois partir immédiatement pour Maraucourt, par le chemin de fer, si tu as assez d'argent pour payer ta place, à pied si tu n'en as pas. Mieux vaut encore accoucher dans le fossé de la route et ne pas manger que rester à Paris. Tu me le promets? Je te le promets. Si grande est l'horreur de notre situation que ce m'est presque un soulagement de penser qu'il en sera ainsi. Cependant, ce soulagement ne fut pas assez fort pour la défendre contre une nouvelle faiblesse, et pendant un temps assez long, elle resta sans respiration, sans voix, sans mouvement. « Maman !» dit Perrine penchée sur elle, toute tremblante d'anxiété, éperdue de désespoir. « Maman !» Cet appel la ranima. « Tout à l'heure, » dit-elle si faiblement que ses paroles ne furent qu'un murmure entrecoupé d'arrêts, « j'ai encore des recommandations à te faire, et il faut que je te les fasse. Mais je ne sais plus ce que je t'ai déjà dit. Attends. » Après un moment, elle reprit. « C'est cela, oui. Oui, c'est cela. Tu arrives à Maraucourt. Ne brusque rien. Tu n'as le droit de rien réclamer. Ce que tu obtiendras, ce sera par toi-même, par toi seule, en étant bonne, en te faisant aimer. Te faire aimer, oui. » « Oui, te faire aimer. Pour toi, tout est là. Mais j'ai espoir, tu te feras aimer. Il est impossible qu'on ne t'aime pas. Alors, tes malheurs seront finis. » Elle joignit les mains et son regard prit une expression d'extase. « Je te vois. Oui, je te vois heureuse. Ah, que je meurs avec cette pensée et l'espérance de vivre à jamais dans ton cœur. » Cela fut dit avec l'exaltation d'une prière qu'elle jetait vers le ciel. Puis aussitôt, comme si elle s'était épuisée dans cet effort, elle retomba sur son matelas, à bout, inerte, mais non syncopée cependant, ainsi que le prouvait sa respiration pantelante. Perrine attendit quelques instants, puis voyant que sa mère restait dans cet état, elle sortit. À peine fut-elle dans l'enclos qu'elle éclata en sanglots et se laissa tomber sur l'herbe. Le cœur, la tête, les jambes, lui manquaient pour s'être trop longtemps contenue. Pendant quelques minutes, elle resta là, brisée, suffoquée, puis comme malgré son anéantissement, la conscience persistait en elle qu'elle ne devait pas laisser sa mère seule, elle se leva pour tâcher de se calmer un peu, au moins à la surface, en arrêtant ses larmes et ses spasmes de désespoir. Et par le clos qui s'emplissait d'ombre, elle allait, sans savoir où, droit devant elle ou tournant sur elle, ne contenant ses sanglots que pour les laisser éclater plus violents. Comme elle passait ainsi devant le wagon pour la 10e fois peut-être, le marchand de sucre qui l'avait observé sortit de chez lui, de bâtons de guimauve à la main, et s'approchant d'elle. « Tu as du chagrin, ma fille ? » dit-il d'une voix apitoyée. « Oh, monsieur ! Eh bien, tiens, prends ça !» Il tendit ses bâtons de sucre. « Les douceurs, c'est bon pour la peine !»